Monsieur, monsieur, ayez la charité d'en jeter de notre côté. Mon Dieu, qu'aux personnes bien faites, on sait peu rendre merci. Il m'en délivre et dépend que pour mes dames grisettes. Ah, voilà mon livre qu'on m'envoie, j'ai déjà le poumon usé. Vous voyez que chacun m'éraille, et je suis scandalisé de boire les mains de la canaille. Ce qui m'est par vous refusé, et qu'en dise mon ce, voyez que l'on put être un libraire, je vous prie, au varon d'Aspara. Je pense mardi que le fat n'a pas l'honneur de me connaître. Je pense mardi que le fat n'a pas l'honneur de me connaître. Monsieur le tonneur te papille, que veulent dire sti façons te fifre? Moi les corchères tout mon cossière criaille, sans que je pouffre à foire à une livre. Parti mon foie, mon sieur, je pense à vous les truffres. Moi l'écorchère tout mon cossière a crié, sans que je pouffre à foire à une livre. Parti mon foie, mon sieur, je pense à vous les truffres. Parti mon foie, mon sieur, je pense à vous les truffres. De tout ce si franc et net, je suis mal satisfait, et cela sans doute elle est, que notre fille si bien faite et si gentille, de tant d'amoureux l'objet, n'est pas à son souhait un livre de ballet pour lire le sujet du divertissement qu'on fait, et que toute notre famille si proprement s'habille pour être placée au sommet de la salle où l'on met les gens de l'intrigue. De tout ceci franc et net, je suis mal satisfait, et cela sans doute elle est. Il est vrai que c'est une honte, le sang au visage me monte, et ce jeteur de verre qui manque au capital, longtemps formel, c'est un brutal, un vrai cheval franc animal, de faire si peu de compte d'une fille qui fait l'ornement principal du quartier du Palais Royal, et que ses jours passés incompte fut prendre la première au bal, et que ses jours passés incompte fut prendre la première au bal. Il l'entend mal, c'est un brutal, un vrai cheval franc animal. Il l'entend mal, c'est un brutal, un vrai cheval franc animal. Ah, quel bruit, quel fracas, quel chaos, quel mélange, quelle confusion, quelle cohue étrange, quel désordre, quel embarras. On y sèche, l'on y tient. perdre, je suis à vous, j'enrage, Dieu me tarde. Oh, que l'y faire safe dans du sol de science. Je mure, je perds la tramontane. Mon foie, moi, le foutrait s'être porte de temps. Allons, mamie, suivez mes pas. Je vous en prie, ne me quittez pas. On fait de nous trop peu de cas, et je suis là de ce tracas. Tout ce fatras, cet embarras, me pèse par trop sur les bras. S'il me prend jamais envie de retourner de ma vie aux baleines et comédie, je veux bien qu'on m'estropie. Allons, mamie, suivez mes pas. Je vous en prie, ne me quittez pas. On fait de nous trop peu de cas. Allons, allons, allons, mamie, suivez mes pas. Je vous en prie, et ne me quittez pas. Allons, mon mignon, mon fils, regagnons notre logis et sortons de ce taudis où l'on ne peut être assis. Ils seront bien ébaubis quand ils nous verront partir. Trop de confusion règne dans cette salle et j'aimerais mieux être au milieu de la halle. Si jamais je reviens à semblable régal, je veux bien recevoir des soufflets plus de six. Allons, mon mignon, mon fils, mon mignon, mon mignon, mignon, mon mignon, mon fils. Regagnons notre logis et sortons de ce taudis où l'on ne peut être assis. Monsieur, un livre s'il vous plaît. À votre serviteur, monsieur, s'il vous plaît.